السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، ويكشف السوء ويفرج الكربات، لا تحيا القلوب إلا بذكره، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته، ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته، ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره، ولا تنال سعادة إلا بطاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين والصراط المستقيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، voici la traduction approximative d'une allocution donnée par le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr, un savant de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui répond à la personne lorsqu'elle est dans la détresse, celui qui secourt celui qui est dans la grande, celui qui secourt l'homme dans la grande difficulté lorsque ce dernier l'invoque, celui qui dissipe le mal et délivre de l'affliction. Les cœurs ne peuvent vivre si ce n'est par sa mention, et rien ne peut arriver si ce n'est avec sa permission. Nul ne peut se délier d'une difficulté si ce n'est de par sa pitié. Rien n'est préservé si ce n'est par lui, et nul but louable ne peut être atteint si ce n'est par sa facilité. Le bonheur ne peut s'atteindre si ce n'est de par son obéissance. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé. Il est le Seigneur des mondes. La seule divinité digne d'être adorée, la divinité des premiers et des derniers. Celui par lequel les cieux et la terre subsistent. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Celui qui a été envoyé avec le livre évident et le chemin de la droiture. Qu'Allah couvre d'éloge notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui adresse ses salutations à lui, ainsi qu'à ses suiveurs et l'ensemble de ses compagnons. Le sujet du jour, mes chers frères, est l'étude d'un ensemble de récits prophétiques. Un ensemble de récits prophétiques, des hadiths qui nous seront de la plus grande utilité. Ceci est déjà le cas de manière générale, mais plus particulièrement dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de test, dans ce temps de confinement. Et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui entendra ces textes, qui les étudiera, les comprendra et les appliquera dans sa vie, elle obtiendra le salut, le repos du cœur et de l'âme, la tranquillité. Elle sera préservée dans son être, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, la connaissance de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cela, il y a la guérison pour les serviteurs. Il y a leur guider vers tout le bien, ainsi que la bénédiction et le salut, dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Le premier hadith, عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Le premier hadith est celui de Suhayb al-Rumi radiallahu anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme est étonnante l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est pour lui un bien, et ceci n'est valable pour personne si ce n'est pour le croyant. S'il est touché par une bonne chose, il se montre reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Et s'il est touché par une difficulté, il se montre endurant, et ceci est un bien pour lui. Apporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, on voit que le serviteur est éprouvé. Il est dans une vie de tests et d'épreuves. Il est éprouvé, soit par des choses qui lui plaisent, soit par des choses qui lui sont difficiles, soit par la facilité, soit par la difficulté. Mais dans tous les cas, il est dans le bien et passe d'un bien à un autre. Car le croyant, dans la facilité, dans ce qu'il reçoit et qu'il aime, il se montre reconnaissant. Il remercie Allah pour ses bienfaits et reconnaît que ça lui vient de lui et les utilise dans ce qui plaît à Allah. Ainsi, il obtient la récompense des reconnaissants. Et lors de la difficulté, il se montre endurant. Il retient sa langue de toute mauvaise parole, son cœur de toute mauvaise opinion d'Allah et ses membres de toute mauvaise action. Ainsi, il obtient la récompense des endurants. Cette récompense au sujet de laquelle Allah nous dit « Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab » Nous rétribuerons les endurants d'une récompense sans compter. Le second hadith « An Abdillah ibn Mas'ud radiallahu anhu » قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيده فقلت يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن مسعود nous dit: je suis entré chez le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم alors qu'il souffrait. Je l'ai touché avec ma main et j'ai dit: ô messager d'Allah, certes tu souffres énormément. Le prophète sallam avait beaucoup de fièvre et était très chaud. Tu souffres énormément. Il me répondit: certes, je souffre comme deux hommes parmi vous. Je souffre l'équivalent de ce que recevraient deux hommes parmi vous. Je lui ai donc dit: est-ce car tu as la récompense de deux personnes? Est-ce parce que tu as une double récompense? Qala ajal, il me répondit: oui. Il n'y a pas un musulman qui est touché par une nuisance ou telle que la maladie ou autre chose, si ce n'est que par cela, sans que par cela Allah lui fasse tomber ses péchés. Tout comme l'arbre fait tomber ses feuilles. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahmatullahi alayhima. À travers ce hadith, on comprend que les épreuves touchent le croyant. Dans ce bas monde, le croyant n'est pas dans un paradis. Il est sur la terre d'épreuves et d'actions. Donc les épreuves touchent le croyant. Que ce soit de grandes épreuves, que ce soit de petites épreuves. Que ce soit sur un court terme, que ce soit sur un long terme, que ce soit à travers la maladie, que ce soit à travers autre chose. Mais la grande leçon du hadith, c'est que ces épreuves sont une porte ouverte vers l'absolution des péchés, vers l'expiation des péchés et leur disparition. Car même si le croyant, lorsqu'il est touché et éprouvé par la maladie, il ne voit pas, lui, à l'œil nu, ses péchés tomber. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par sa noble pédagogie, nous a matérialisé cela. Nous a mentionné une parabole à travers laquelle nous allons pouvoir visualiser et parfaitement imaginer cela dans nos esprits. C'est que les péchés tombent du malade et c'est pour lui une purification, une expiation de mal et de péché. Tout comme lorsque tu vois l'arbre devant toi et ses feuilles tomber les unes après les autres, en grand nombre. De la même façon, lorsqu'on ouvre la porte de l'épreuve et de la maladie, on ouvre la porte de l'expiation des péchés, de la purification face au péché, de l'absolution des péchés. Ainsi, le musulman doit corriger sa vision de l'épreuve et de la maladie. Il doit voir cela d'une vision prophétique. Il doit voir cela telle une porte de l'expiation des péchés. C'est pour cela que certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, lorsqu'ils sortaient de maladie, et qu'Allah leur accordait la guérison, Hani'an laka at-tuhur. Réjouis-toi, bonne nouvelle à toi, la purification. Le troisième hadith, An Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurayra radiyallahu anhuma, An an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: Ma yusibu al-muslimu min nasabin wala wasabin wala ham wala huzn ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas une difficulté qui touche le musulman, ni une lourdeur, ni un souci, une anxiété, ni même une peine, une tristesse, ou la moindre nuisance, sans que par cela, Yannick le Croissant nous dit même, jusqu'à l'épine qui le pique, sans que par cela, Allah lui efface ses fautes. Que ce soit une difficulté, que ce soit un mal, que ce soit un souci, de l'anxiété, un souci présent, dû au présent, un dérèglement de l'état du cœur et de sa sérénité, de son apaisement, dû à un souci présent, que ce soit dû à un souci passé, donc une peine, une tristesse, dû à des choses du passé, que ce soit une nuisance quelconque, aussi minime soit-elle, que ce soit une anxiété, dû à la peur du futur. Même si cela devrait être une simple épine qui te pique, sans que par cela, Allah efface ses fautes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit des types d'épreuves de manière détaillée. Et nous montre la grande miséricorde d'Allah sur cette communauté. C'est que tous ces points-là, toutes ces épreuves-là, sont pour le croyant une expiation de péché et de faute. Et nous sommes tous pécheurs, et nous avons tous des fautes. Chacun à son niveau et à son échelle. Ainsi, le musulman doit regarder les épreuves qui le touchent et qui touchent ses proches de ce regard prophétique. il doit relativiser ce qui lui arrive. Il doit espérer cette récompense. Il doit espérer ce pardon. Lorsqu'on t'ouvre une porte d'épreuve, en réalité, on ne fait que t'ouvrir une porte de bien, une porte de bénédiction et d'expiation de faute. Le quatrième hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيبه منه رواه البخاري. أبو هريرة nous dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, celui à qui Allah veut du bien, celui à qui Allah veut du bien, il le touche, c'est-à-dire il le touche d'épreuve. Il le touche d'épreuves. Donc, les épreuves sont signes de bien. Les épreuves sont un signe de bien. Et qu'Allah a voulu pour ce serviteur le bien. Car, comme nous l'avons mentionné à travers les récits prophétiques, à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera de ses fautes. À travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera de ses fautes. Mes chers frères en Allah, il convient aux musulmans de faire tout son possible et d'être déterminés afin d'atteindre les hauts niveaux de la foi. Il doit faire tout son possible pour endurer face à l'épreuve. Qu'est-ce que l'endurance? L'endurance, c'est le fait d'emprisonner sa langue de toute mauvaise parole, de toute plainte aux créatures. Emprisonner son cœur face à toute révolte et toute mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Emprisonner ses membres de faire ce qui déplaît à Allah, comme se déchirer les vêtements, comme se rouler par terre, comme lever les mains vers le ciel, et j'en passe. La personne doit être endurante, elle doit supporter. Elle doit se retenir, ça lui fait mal, c'est douloureux. Elle souffre, mais elle se rappelle cette foi qu'elle porte en son sein. Elle se rappelle que c'est une personne croyante et qu'elle a un Seigneur. Sage, miséricordieux, savant, qui nous donne que le bien. Puis elle essaye d'atteindre le niveau au-dessus lors de l'épreuve. Manzilatul Rida, la station de l'agrément. C'est-à-dire qu'en plus de retenir sa langue, ses membres et son cœur, il se voit satisfait de ce qu'Allah lui a décrit. À un point tel où son cœur est apaisé et il ne souhaite même pas sortir de cette situation difficile. Pour lui, être dans l'épreuve ou ne pas être dans l'épreuve, cela lui est égal. Pourquoi? Parce que le tout lui vient de son Seigneur miséricordieux, de son Seigneur sage, de son Seigneur savant, de son Seigneur qui fait que le bien, subhanahu wa ta'ala. Donc, il agrée cette épreuve. Il espère la récompense chez Allah, et ça est le secret de son endurance et de son agrément. C'est qu'il sait que dans chaque épreuve, il y a un bien pour lui. Ainsi, il se montre, il agrée et il espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala en se rappelant tous ces textes que nous mentionnons ici. Le quatrième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن Anas radiallahu anhu, قال, قال رسول الله sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السُّخْطُ. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la rétribution va avec la grandeur de l'épreuve. Va avec la grandeur de l'épreuve. Et certes, lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Ainsi, celui qui agrée recevra l'agrément. Et celui qui se courrouce recevra le courroux, la colère. C'est ainsi que se doit d'être le croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, la seule divinité digne d'être adorée, celui qui a la perfection absolue, le seul qui gère tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, le Seigneur des mondes. C'est ainsi qu'est le croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Il supporte les épreuves. Il agrée ce qui lui est décrété. Il agrée Allah comme Seigneur. Donc il se soumet à son ordre et sa volonté. Il a une bonne opinion de lui, subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle la parole d'Allah. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Dit, rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah nous a écrit. C'est notre maître. Il se rappelle aussi la parole d'Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que cela ne soit avec la permission d'Allah. Et celui qui a foi en Allah, il guidera son cœur. C'est la personne qui sait que l'épreuve lui vient d'Allah. Alors elle endure et abandonne son affaire à Allah. Allah pèse sa poitrine et le guide. Comment devons-nous nous comporter face aux épreuves? Comment les accueillir? Avec dua, avec l'invocation, avec la supplication, avec le retour vers Allah, avec la demande de pardon pour nos fautes et nos péchés, en se remettant en question, en faisant nos comptes, en regardant ce que nous avons préparé pour demain, en regardant notre situation si nous sommes amenés à quitter ce bas monde, vers l'au-delà, en observant la droiture, en apprenant notre religion pour l'appliquer. Des épreuves, voici toutes les leçons à tirer, voici la voie à emprunter. Ainsi, le croyant profite tout le temps, s'améliore constamment, quelle que soit la situation. Ainsi, son niveau est élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala, sa place n'en sera que meilleure. Le cinquième hadith, « An Jabir ibn Abdillah » رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو المسيب مسيب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma nous dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Ummi Sa'ib, où elle était surnommée Ummi al-Musayyab, et lui dit, que t'arrive-t-il à être dans cet état-là? Elle a répondu, donc elle tremblait où elle était dans une situation difficile. Elle répondit, Al-humma, c'est la fièvre, qu'Allah ne la bénisse pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'insulte pas la fièvre, car certes, par sa cause, ou bien car certes, les fautes du fils de Adam par elle sont enlevées. Car certes, par elle, à travers la fièvre, les fautes du fils de Adam disparaissent. Tout comme le soufflet fait disparaître les impuretés du fer. Voici un autre exemple, après l'exemple de l'arbre et des feuilles, par rapport aux croyants et les péchés qui tombent. Ici, nous avons l'exemple de la fièvre, du croyant et de la fièvre, donc de la maladie, matérialisée par le soufflet du forgeron et la purification et l'épuration du fer. Donc, on l'expose au feu, à une chaleur ardente. ça brûle de se faire. Mais au final, quel est son résultat? Ça le purifie et ça augmente de sa valeur et de sa splendeur. De la même façon, le croyant doit savoir que la maladie qui le touche, ô toi le croyant qui a été touché par la fièvre, ô toi le croyant qui a été touché par la migraine, ô toi la croyante qui est touchée par les douleurs, sachez, rahimanillah wa iyyakum, que tout cela est pour vous une purification. Tahour, incha'Allah, c'est une purification, incha'Allah. C'est pour redorer votre foi. C'est pour vous donner force et endurance dans l'adversité de ce bas monde. Pour vous élever dans les délices de l'au-delà. Donc, ce sont des expiations de fautes et de péchés. Le sixième hadith, an Aisha radiallahu anha qala, سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, dit: j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du ta'oun, de la peste et des épidémies. Il m'a donc informé que c'était un châtiment qu'Allah envoyait à qui il voulait, c'est-à-dire des peuples passés. Et certes, Allah en a fait une miséricorde pour les croyants, c'est-à-dire que lorsque le croyant est touché par la peste ou une autre épidémie, pour lui, ça n'est pas un châtiment, mais une miséricorde de la part d'Allah. Ainsi, il n'y a pas une personne, qui est touchée par la peste ou par une épidémie, ou qui trouve cela dans sa ville, puis patiente dans cet endroit-là, avec endurance et tout en espérant la récompense chez Allah, tout en sachant que rien ne le touchera si ce n'est ce qu'Allah lui a déjà écrit. Celui qui se comporte ainsi, le prophète sallam nous dit, tout croyant qui se comportera ainsi aura la même récompense que le martyr. Celui qui est dans un endroit dans lequel on a décrété cette maladie, il est dans cet endroit, donc il n'en sort pas. Il se montre endurant. Il espère la récompense chez Allah. Il a la certitude que le destin, le décret est vérité, que rien ne le touchera si ce n'est ce qu'Allah lui a déjà écrit. Ben, ce dernier recevra la même récompense que le martyr. Et ne pensez pas que c'est conditionné par la mort de ce dernier. Non, même si il reste en vie, même si Allah le maintient en vie, même si Allah le guérit par la suite, s'il réunit ces conditions-là, il est croyant, il endure et espère la récompense chez Allah, il a la foi au destin, alors il aura la même récompense que le martyr. Ainsi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa shakur, wa huwa al-jawad, ou al-karim, wa huwa al-rahim, de donner à chaque malade croyant du Covid-19 ou d'une autre maladie, na'am, cette grande récompense. Ô combien nous avons besoin de méditer ces sens-là. L'endurance, espérer la récompense chez Allah, la certitude dans le décret d'Allah, savoir que rien ne se produit si ce n'est avec la volonté d'Allah, savoir que tout a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre jusqu'au jour dernier, compter que sur Allah, abandonner son affaire à Allah. Tous ces points de la foi, on a besoin de les renouveler. Avec le renouvellement des jours, Et des nuits, on a besoin, nous, de renouveler cette foi dans nos cœurs, pour renforcer notre foi, pour améliorer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce confinement, en réalité, est une grande opportunité. Une grande opportunité, une grande opportunité pour la réforme des cœurs et des corps, pour la réforme des foyers. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs considéraient ce genre d'épreuve comme des signaux d'alarme pour réveiller le musulman, comme des signaux d'alarme pour rejeter l'insouciance, comme une porte ouverte vers le repentir, vers la droiture, vers l'invocation, vers la peur d'Allah. C'est un signe d'Allah pour nous faire peur. Donc recevez cette bonne nouvelle, ô vous les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour vous de l'épidémie une miséricorde. Une miséricorde. Qui est-ce qui peut considérer une épidémie à travers laquelle on voit de nombreux morts, une grande peur? On voit que le monde entier a été déstabilisé, sauf celui qui a la foi enracinée, il se retrouve telle la montagne, qui ne bouge pas et qui n'est pas sujette aux grosses tempêtes ni au vent. Qui atteint ces sens-là? Qui atteint ces points de la foi, si ce n'est le musulman, le croyant, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, sa religion? Quant aux autres, ils diront, mais ceci est un oxymore. Il a uni entre les deux contraires, entre les opposés. Comment est-ce que ça peut être? Une épidémie et une miséricorde à la fois. Le croyant, oui, lui, il sait cela. Il sait cela. Il sait que cette maladie, cette épidémie est une miséricorde de la part d'Allah. Que à travers l'épreuve, il lui pardonne des péchés. À travers l'épreuve, il lui fait concrétiser l'endurance. Pour lui donner la récompense de l'endurant. Il ne l'a pas éprouvé si ce n'est pour le guérir. Et s'il ne le guérit pas, c'est que pour le purifier, l'élever encore plus en degré, pour lui donner la plus grande récompense dans l'au-delà, la récompense des endurants. Il a une bonne opinion de son Seigneur. Et cela n'est que pour le croyant. À l'inverse, un signe gravissime, un signe de perdition et d'égarement, c'est le fait de rester dans ses péchés, le fait de rester dans ses fautes quotidiennes, malgré la présence de l'épidémie et de l'épreuve. Certains disaient la perdition, l'anéantissement même, et de rester dans ses péchés en temps d'épreuves et de difficultés. Donc, le temps de l'épreuve, le temps de l'épidémie, c'est un moment où on doit se réveiller, où on doit faire dua, où on doit se repentir, où on doit se réformer, réformer notre lien avec Allah Azza wa Jal, puis notre lien avec les serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Uthman ibn Affan nous dit, donc avant ça, une des plus grandes portes qui nous est ouverte lors de l'épreuve et de la difficulté, c'est la porte de Dua. La porte de Dua. Et ceci nous emmène au septième hadith, le hadith de Uthman ibn Affan. Il nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, « Man qala bismillahi alladhi la dhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim » ثلاث مرات حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ومن قالها ثلاث مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح رواه أبو داود. عثمان nous dit رضي الله عنه que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui dit au nom d'Allah, celui à travers le nom duquel rien ne nuit, que ce soit sur terre ou dans les cieux, et c'est lui l'audient, le savant. trois fois lorsqu'il se réveille, rien ne lui nuira jusqu'au soir. Et s'il dit cela le soir, rien ne lui nuira jusqu'au matin. C'est-à-dire, il ne sera pas touché subitement par un mal. Il ne sera pas touché subitement par un mal. Donc, il dit trois fois cela, tous les jours. Trois fois cela, après le Fajr, avant le lever du soleil. Et trois fois cela, après l'Asr, avant le Maghrib. Je répète, afin que ce soit enregistré ou que ce soit noté, mémorisé. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Il dit trois fois cela. Ainsi il sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici une grande protection qu'on nous donne. Huitièmement, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, da'watu dhinnun idh huwa fi batni al-hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, fa innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qat illa istajaba Allahu lah. وفي القرآن وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire Younous, alors qu'il était dans le ventre du gros poisson. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ant. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Subhanak. Exempt sois-tu de tout défaut. Inni kuntu min adh-dhalimin. J'étais certes du nombre des injustes. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah pour une chose sans qu'Allah ne l'exauce. Sans qu'Allah ne l'exauce. Tu dis cette invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Puis tu fais dua. Allah t'exaucera. Et dans le Coran, on a cela. L'histoire de Younous. Et on nous dit qu'il a invoqué alors qu'il était dans les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer, les ténèbres du ventre du gros poisson. Il a invoqué. Allah nous dit, fastajabna là. Nous lui répondîmes. Et nous le sauvâmes. Du tourment. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Remarquez cela. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ibn Jarir al-Tabari a dit dans son tafsir, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est-à-dire, tout comme nous avons sauvé Younous de l'affliction, de l'emprisonnement du ventre du gros poisson dans la mer lorsqu'il nous invoqua, pareillement, nous sauvons les croyants lors de la difficulté si il nous demande le secours et nous invoque. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, « Ay, idha kanu fi shada'id, wa da'awna munibina ilay. » C'est ainsi que nous sauvons les croyants, c'est-à-dire lorsqu'ils nous invoquent dans les difficultés et reviennent vers nous, tout en revenant vers nous. Ibn Qayyim, rahimahullah, nous dit dans son livre, « Al-Fawa'id », donc je résume sa parole, ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد لذا كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون بالتوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحسنها. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Fawa'id, rien ne repousse mieux les difficultés de ce bas monde que التوحيد, l'unicité d'Allah, adorer Allah seul d'un culte sincère. C'est pour ça que l'ensemble des invocations qui visent à dissiper la tristesse et l'affliction sont des paroles de tawhid. Et l'invocation de Zunnoun est la formulation du tawhid. Le tawhid est donc ce à quoi reviennent les créatures. C'est leur lieu de repliement. C'est leur citadelle, leur protection. Le musulman doit chercher protection auprès d'Allah et l'invoquer pour qu'il soit protégé. Dans le 9e hadith, le hadith d'Abi Hurayra, ta'awadhu billah min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. L'imam al-Bukhari nous dit que le prophète sallam a ordonné aux compagnons de chercher refuge auprès d'Allah contre la lourdeur des difficultés. Contre la lourdeur des difficultés. Et lui-même invoqué Allah Azza wa Jal pour cela. Le dixième hadith, le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'homme sort de chez lui, lorsque la personne sort de chez lui et dit Bismillahi, tawakkaltu ala Allahi, wa la hawla wa la quwwata illa billah, يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان. Quiconque sort de chez lui en disant Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, j'ai abandonné mon affaire à Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et nul ne peut passer d'un état à un autre et avoir la capacité de le faire si ce n'est par Allah. Celui qui sort de chez lui en disant cela, il lui sera dit, tu as été guidé, suffit et protégé. Et le diable s'éloigne de lui. Et il dit aux autres diables, que voulez-vous faire contre un homme qui a été guidé? Suffit et protégé. Donc, on cherche la protection près d'Allah, on fait les causes pour ne pas être touché par le mal. Le onzième hadith, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. Le message d'Allah. Ne délaissez jamais, n'omettez jamais de dire ces paroles arrivées à l'aube et arrivées en fin, arrivées en début de soirée. Il disait Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhira. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي رواه أحمد. Ô Allah, je te demande la préservation, je te demande la santé dans ce bas monde et l'au-delà. Ô Allah, je te demande le pardon et la préservation dans ma religion, dans mon bas monde, dans ma famille, dans mes biens. Ô Allah, couvre-moi, couvre ma nudité. Un corps et péché et défaut, ainsi de suite. Accorde-moi sécurité. Ô Allah, protège-moi de ce qu'il y a devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi. Et je cherche protection auprès de ta grandeur afin de ne pas être saisi d'en dessous de moi. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait beaucoup d'importance aux demandes de protection et demandait la santé et la préservation dans son être, sa famille, ses biens, le matin et le soir, quotidiennement. Le douzième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaykum ibadallah bid-du'a » rawahu al-Tirmidhi wa hassanahu al-Albani rahmatullahi alayhima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes, l'invocation est profitable pour ce qui est descendu et pour ce qui ne l'est pas encore. » Donc pour celui qui est touché par le mal et pour celui qui ne l'est pas encore. Donc, ô serviteur d'Allah, prenez soin de faire du'a. On nous encourageait à faire dua, à beaucoup faire dua. Et certains disaient, certes, si l'épreuve est telle, la flèche envoyée, bah, être dua, c'est elle le bouclier. Être dua est elle un bouclier, le rempart. Pour finir, il nous convient à tous, il convient à chaque croyant, chaque croyante, d'abandonner son affaire à Allah, en espérant ses grâces et ses miséricordes. Il convient d'abandonner son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir confiance en lui, dans toutes nos affaires. De l'invoquer, car l'ordre tout entier est dans sa main. Le décret tout entier ne vient que de lui. Ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Tout a déjà été décrété. Et certes, l'épreuve est grande, mais il nous faut être endurants et espérer la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. On n'avait pas évalué, je parle pour ma personne, l'étendue de cette épreuve et la lourdeur de ce malheur. Et le nombre de victimes qu'il allait y avoir. Et j'avais peut-être minimisé l'étendue de l'épreuve. Et on voit ici, et c'est encore un signe de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa volonté suprême. On demande donc à Allah azza wa jal, tout comme il décide de ce qu'il veut, de nous préserver, nous ainsi que nos familles, et de guérir nos malades. Wallahu a'lam, wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك